BKFM jusqu'au bout du monde. Arrêté par groupe, devant des classes vides pour certaines ou dans la cour de l'école, des élèves échangent chaleureusement. Quelques parents d'élèves sont préoccupés à faire les inscriptions de leurs enfants. Pour Monsieur Yao, cette rentrée scolaire n'a pas été facile. Vraiment, cette année-là, à faire des rentrées scolaires, là, c'est pas facile. C'est difficile, même moi-même, je sais même pas. Nous-mêmes, parents d'élèves, on sait pas comment on va faire. Parce que c'est vrai que la rentrée est arrivée, mais vraiment, pour joindre les deux bouts même, c'est difficile. C'est très difficile, on ne sait même pas comment on va faire. Il faut passer ici, il faut passer par là pour mettre l'enfant à l'école. Vraiment, c'est difficile pour moi, vraiment. Je ne sais pas s'il y a solution ou bien, bon, vraiment, c'est ça quoi. Conscient des difficultés éprouvées par les parents à chaque rentrée scolaire, Traoré Sinali, élève en classe de 3e, a trouvé une solution alternative. Ah, pour le moment, ça ne va pas. Bon, je demande à mes parents de payer mes frais scolaires. Bon, ils disent qu'en ce moment, le temps est dû, donc ils n'ont pas l'argent pour payer les frais scolaires. Donc, je me sens aussi mal à l'aise. Donc, je viens passer à l'école pour passer des informations avec mes amis pour que si eux peuvent m'aider, genre pour payer mes fournitures, quoi. Mais actuellement, là, quand il appelle mon papa, bon, lui aussi, il dit qu'il n'a pas l'argent. Dame Kanga Philomène, également parent d'élèves, se souvient quant à elle des nombreuses grèves qui ont entaché l'année scolaire écoulée. L'enfant a l'emploi du temps, mais la maman ne peut pas connaître l'emploi du temps de l'enfant, puisqu'elle ne sait pas lire ni écrire. Donc, l'enfant vient dire que non, j'ai cours de 17h à 19h. Nous, on s'est dit que oui. Effectivement, il a cours de 17h à 19h. Et c'est dans ça qu'ils vont faire de n'importe quoi. Plus de 5 millions d'élèves ont officiellement repris le chemin de l'école depuis le lundi 9 septembre 2019 sur l'ensemble du territoire national pour l'année scolaire 2019-2020. Cette année scolaire est placée sous le thème « Enseignants compétents, performants et engagés, assurance d'une école de qualité ». BKFM jusqu'au bout du monde.